Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Idola Saint-Jean, pionnière du droit de vote des femmes au Québec. J'avais demandé à papa, c'est quoi ça, des suffragettes? C'est des maudites folles. Puis, comme il me les décrivait, c'était quasiment des femmes à barbe, là. Alors, il c'était pas un con, mon père, là. C'était un homme très intelligent, très bon, un brave homme. Mais qui avait ces idées-là, qui étaient les idées courantes du temps. Les femmes n'étaient pas capables de voter. Cette anecdote que raconte Jeannette Bertrand dans le documentaire 75e, Elles se souviennent, réalisé en 2015 par Flavie Renouf-Payette, cette anecdote, elle en dit beaucoup sur ce que pensaient la plupart des hommes de ces femmes qui se battaient à l'époque pour obtenir le droit de vote dans cette première moitié du 20e siècle et qu'on appelait les suffragettes. Parmi ces pionnières, Idola Saint-Jean, qui, aux côtés d'une Thérèse Casgrain ou d'une Marie-Gérin Lajoie, par exemple, va mener sans relâche ce combat jusqu'à ce que le gouvernement d'Adélard Godbout accorde finalement ce droit de vote aux femmes du Québec le 25 avril 1940. Mademoiselle Idola Saint-Jean, voulez-vous me dire pourquoi vous avez décidé de quitter le comité provincial? Est-ce qu'en divisant comme ça les luttes féminines, vous ne risquez pas de nuire à votre cause? Mais le comité provincial a fait un excellent travail. Un excellent travail. Ce comité qui devait devenir par la suite la Ligue des droits des femmes. C'est exact. Mais je trouve qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour rejoindre la classe laborieuse. Voyez-vous. Et c'est ce que j'essaie de faire à l'intérieur de l'Alliance. Mais comment vous y prenez-vous? Par des réunions mensuelles que nous faisons dans les divers quartiers de la ville. Et nous essayons de communiquer, de discuter surtout les questions sociales avec nos membres. Et nous faisons aussi circuler des livres sur la question féminine. Saviez-vous que la femme, à l'intérieur de la province de Québec, et surtout par rapport à l'Amérique entière, est la seule à être privée de son droit de citoyenne? Et pourtant, nous sommes soumis aux mêmes lois. Nous payons des impôts. Alors c'est absolument impensable que nous soyons privés d'un droit, d'un privilège auquel les citoyens canadiens ont tous droit. Extrait de l'émission « Femmes d'aujourd'hui » du 24 mars 1975, dans lequel la comédienne Nicole Leblanc incarne le personnage d'Idola Saint-Jean dans une entrevue fictive, donc, au cours de laquelle Idola Saint-Jean s'exprime sur le droit de vote des femmes et sur le travail que mène pour obtenir l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Pour nous présenter Idola Saint-Jean, cette grande figure féministe du début du 20e siècle au Québec, mon invité est Marie Lavigne, qui est historienne de formation, qui a fait carrière dans la haute fonction publique québécoise, co-auteur avec Michel Stanton-Jean de l'ouvrage Idola Saint-Jean, l'insoumise. Marie Lavigne, bonjour. Bonjour. Quelle place elle occupe, Idola Saint-Jean, parmi ces quelques pionnières du combat féministe au Québec? Puis comment expliquer qu'on l'a peut-être un peu oublié par rapport à d'autres grandes figures comme celle de Thérèse Casgrain, par exemple? Idola Saint-Jean, pour ses contemporains, que ce soit Robert Rumilly ou la journaliste Madeleine, c'est l'âme du mouvement féministe, c'est la chef du mouvement. Et c'est très, très clair pour les contemporains. Si on vise une féministe, c'est Idola Saint-Jean. Mais on l'a oublié. On l'a oublié parce que, finalement, à quelque part, Thérèse Casgrain, qui était plus jeune, mais a vécu 35 ans de plus. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et c'est en 35 ans où elle a fait de l'action politique, constamment. Et elle a servi aussi, Thérèse Casgrain, de lien entre les féministes des années 20, des années 30 et celles des années 70. Donc, c'est elle qui a fait le relais dans le mouvement. Donc, on n'a parlé que d'elle. L'autre élément qui fait en sorte qu'on l'a oublié, c'est que Idola Saint-Jean est une fille unique. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant et elle n'a pas laissé de documents personnels. Oui. Très, très peu d'archives. Alors, il n'y avait personne pour garder vivante sa mémoire. Alors, tout simplement, et au moment où elle est décédée, le droit de vote était déjà obtenu. Donc, on était en pleine guerre. C'était la fin de la guerre et l'esprit des gens était ailleurs. Oui. Ça reste donc, il faut le retenir, l'âme, disiez-vous, de cette lutte féministe du début du 20e siècle. C'est aussi une femme, quand on regarde un peu son parcours, on reviendra sur la militante dans un instant, mais une femme qui qui se distingue, qui est hors du commun. Un premier exemple, parce qu'il y en a beaucoup, elle se retrouve en 1905 à étudier le théâtre, la diction à Paris. Une femme, une Québécoise, qui étudie le théâtre et la diction à Paris en 1905, il y a dû y en avoir qu'une. Il y en avait quelques-unes en chant, là aussi, en opéra, ouais. Parce qu'on on travaille beaucoup avec les Français. C'est une passionnée de théâtre et elle a la chance d'avoir des parents qui, dès l'âge de 18 ans, lui permettent d'étudier le théâtre. Donc, elle étudie ici avant, quand elle a 18 ans. Elle adore la poésie. Elle est recommandée par Louis Fréchette, mais comme son père est mort, qu'ils ont peu d'argent à ce moment-là, tout simplement, c'est une levée de fonds de l'Alliance française. Elle fait un spectacle. Mais lorsqu'elle va en France, elle a déjà 25 ans et elle a fait une levée de fonds pour pouvoir payer ses études. Mais ses études, elle veut étudier en France parce que ça va lui donner comme un diplôme pour pouvoir enseigner, comme dit-elle, chez les Anglais. Parce que c'est plus payant. Alors, elle donne déjà des cours de diction, mais se perfectionner pour réussir à faire carrière. Donc, son caractère unique, c'est d'être une femme, d'abord et avant tout, une femme de carrière qui bâtit sa carrière. Une battante, une femme de caractère qui prend tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Et elle enseignera d'ailleurs, ça va marcher parce qu'à son retour de Paris, elle va enseigner. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. À l'Université McGill, des femmes qui enseignent à McGill à cette époque-là, il n'y en a pas énormément. Venons-en peut-être à son engagement féministe, à ce combat qu'elle va mener pour le droit de vote des femmes. Comment elle arrive à ce combat-là, à cet engagement-là? Comment elle glisse dans ce combat féministe? Elle glisse un peu à cause de ses lieux de pratique professionnelle. Elle enseigne à partir d'autour de 1900. Elle tient la chaire d'élocution au Monument national. Or, le Monument national est la pépinière des féministes francophones. C'est là qu'est la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. C'est là que va être formée que toute la mouvance féministe et philanthropique se retrouvent à ce moment-là. Et par ailleurs, elle enseigne aussi simultanément, elle commence un enseignement à McGill et le lieu central, l'épicentre du féminisme anglophone au Canada, c'est le groupe de femmes de McGill. Alors, elle est des deux côtés, et elles sont très, très peu de femmes à McGill. Alors, des deux côtés, professionnellement, elle vit son quotidien avec ces gens. Et donc, ça va être via la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste qu'elle commence. Mm-hmm. Le tout premier engagement est assez fascinant parce que c'est un engagement d'artiste. Elle fonde ce qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'Union des artistes. C'est-à-dire qu'elle fonde, en 1908, l'Association artistique des dames canadiennes françaises, qui est affiliée à la Fédération Saint-Jean-Baptiste. Donc, déjà, elle travaille pour ses collègues, mais elle va embarquer aussi dans des œuvres philanthropiques. Et puis viendra le combat plus directement associé au droit de vote, à l'obtention du droit de vote des femmes. Elle sera de cette visite, c'est la première, je pense, en 1922. Il y en aura une par année pendant des années et des années, où elle va se rendre à Québec, essayer de convaincre messieurs les députés et le premier ministre Achaud de l'époque de leur accorder ce droit de vote aux femmes. En 1927, c'est une date importante, donc elle est déjà dans le combat depuis quelques années. Idola Saint-Jean crée l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Thérèse Casgrain, de son côté, va transformer le comité provincial pour le suffrage des femmes en Ligue des droits de la femme. Deux organisations, donc Marie Lavigne, à partir de ce moment-là, qui travaillent conjointement à ce combat pour l'obtention du droit de vote des femmes. D'abord, pourquoi la scission et comment va se passer cette cohabitation? OK. Alors, si vous permettez, je recule un peu. En 1922, on crée le comité provincial, mais c'est une initiative venant et de Marie-Gérin Lajoie et d'Idola Saint-Jean, toutes les deux. Thérèse Casgrain arrive un peu par hasard parce qu'on l'a entendu faire un discours électoral sur la Côte-Nord, puis c'est une petite jeune de 25 ans. On la recrute, on va la chercher. Alors, ce comité fait la première démarche et rencontre un échec foudroyant en 1922. Et le comité ne fait plus rien durant 5 ans. Marie-Gérin Lajoie tente de changer le nom du comité, tente de l'adoucir, qu'on ne parle plus de suffrage, le mot suffrage fait peur. Et finalement, comme le comité ne fait rien, Idola Saint-Jean, avec d'autres femmes, va rencontrer les syndicats internationaux et leur demande d'inscrire sur leur plateforme de revendication annuelle au gouvernement du Québec le droit de vote des femmes. Donc, la première visite à Québec en 1927 est une visite avec les syndicats au début de janvier. D'accord. Elle fait ça Et là, les femmes du comité provincial sont pas très contentes en disant « Comment ça se fait que tu fais ça? Tu nous en as pas parlé. Nous, on veut faire attention. On veut pas être trop proche des syndicats. » Ou en tout cas, toujours est-il que, bon, quelques semaines après, Idala a dit « Écoutez, là, ça vous intéresse même pas de parler de suffrage. » Elle fonde sa propre association. Donc, ça se fait assez naturellement, bon, parce que les gens sont sur des voies différentes à ce moment-là. Mais ça se passe plutôt bien, cette cohabitation? Bon, c'est une autre association, et l'association qui va être vraiment très, très active les premières années, c'est effectivement l'Alliance d'Idala Saint-Jean. Peu à peu, là, Thérèse Casgrain, l'influence de Marie-Gérin-Lajoie, Marie-Gérin-Lajoie prend plus ou moins sa retraite, il y a moins d'influence, et là, Thérèse Casgrain, elles vont travailler donc chaque année de façon parallèle, mais très souvent sous le leadership d'Idala Saint-Jean, qui va dire « là, on y va ». Avec certaines divergences de vues, peut-être plus stratégiques, vous l'avez déjà un peu évoqué, que sur le fond, évidemment, elles sont d'accord, mais stratégiquement, il y a quelques divergences. On écoute Thérèse Casgrain à l'émission « Propos et confidences », raconter une anecdote, mais qui en dit plus que la simple anecdote, « Propos et confidences » en 1980. Ensuite, à une autre année, nous avions décidé de descendre à Québec. Et comme c'était l'anniversaire de M. Taschereau, la Ligue des droits de la femme avait décidé de lui offrir 60 roses. C'était son 60e anniversaire. Et Mlle Idala Saint-Jean, qui était dirigeante d'un autre groupement, n'avait pas voulu participer à notre envoi parce qu'elle trouvait que M. Taschereau ne méritait pas de roses. Et je me souviens de lui avoir dit, « Mais mademoiselle, vous oubliez qu'il y a toujours des épines avec les roses. Alors, M. Taschereau va peut-être s'apercevoir à quel point les épines sont là, parce que ça ne nous a pas découragés. Et M. Taschereau avait été un peu embarrassé de recevoir des fleurs de la part de celle à qui il venait de refuser un droit qui était essentiellement démocratique. » Au-delà de l'anecdote, Marie Lavigne, qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient d'entendre, sur la différence d'approche qu'auront une Idala Saint-Jean et une Thérèse Casgrain, par exemple? Thérèse Casgrain voudra toujours être très, très proche des politiciens et être toujours de la diplomatie jusqu'au bout des doigts. Alors, quand c'est le temps de se battre, elle préfère faire de la diplomatie. Alors que Idala régulièrement tient des assemblées publiques, varie les stratégies et l'anecdote se produit dans une année 1930 qui est l'année la plus active. Il y a eu la commission d'Orion sur les droits de la femme où on sent qu'il n'y a à peu près rien qui va se passer, mais c'est l'année où il y a eu tellement de discours pro suffrage, les éditoriaux, tout le monde est en faveur, sauf évidemment le Devoir, ils sont en faveur du droit de vote et on pense que ça va passer. Mm-hmm. Alors, Thérèse Casgrain, avec ses fleurs, n'avait pas consulté personne. Ça a mis vraiment Idala en fusil. Et le lendemain, elle dénonce dans sa chronique quotidienne, parce qu'elle tient une chronique, elle est journaliste, tient une chronique quotidienne en anglais et en français dans le Montreal Herald. Elle appelle ça un faux pas et elle dit, ça a permis au premier ministre de dire publiquement une parole insultante. Il dit, je suis contre le droit des femmes, mais je suis pour les femmes. Alors là-dessus, donc, Idala est vraiment, là-dessus, c'est peut-être la seule fois où publiquement elle exprime la divergence. Mais Idala avait été très, très forte. Elle avait sorti toute une série de caricatures pour le droit civil, les droits civils des femmes, avait fait une campagne monstre cette année-là. Et là, ben, c'est l'échec. Elle prend très, très mal. Parce que politiquement, ça ne passe pas. Même s'il y a un mouvement, Québec ferme la porte. Québec ferme la porte et finalement parce qu'on a peur de déplaire au clergé, parce que c'est dans les faits. Et il y a ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'il y a aussi, en arrière de ça, une espèce de parti pris et une peur de perdre ce qui fait l'identité canadienne-française. Mmh. L'identité canadienne-française réside sur la base de la langue française et sur le Code civil. Et le Code civil, c'est l'autorité du mari, l'autorité maritale. Et on a un rejet total des traditions britanniques. Donc, on dit, c'est importé de chez les Anglais, ça, le droit de vote. Donc, on ne veut pas se faire imposer. Et en bons provinciaux que nous sommes, on tient le phare et on tient la culture canadienne-française. Alors, il y a beaucoup de ça là-dedans. C'est pas toujours un propos contre les femmes, mais ouais. c'est un propos pour garder la suprématie ouais. des hommes. Ouais. Il y a même un propos pseudo-romantique où on valorise, on dit au fond, ça va, on dit presque, c'est hallucinant avec le recul, mais ça va enlever d'une certaine manière cette noblesse, cette valeur qu'a la femme, que de lui permettre de voter. Mais bon, on pourrait faire 2-3 émissions là-dessus. Un mot sur le combat féministe plus largement que celui qui porte sur la question du droit de vote des femmes. Le combat féministe pour Idola Saint-Jean s'inscrit dans quelque chose de plus large, touche d'autres questions que le droit de vote et s'inscrit dans un combat plus large qui est le combat pour plus de justice sociale. On écoute à ce propos l'historienne, la co-signateur du livre que vous consacrez à Idola Saint-Jean, Michel Stanton-Jean, à l'émission La vie quotidienne en 1981. Sa réflexion dit beaucoup. Ça peut plus continuer comme ça. Les femmes doivent embarquer dans le combat social parce que les hommes seuls ont échoué. Et ça revient souvent dans les textes aussi de certaines féministes de l'époque en disant « Bon, ben, regardons la situation. » On vit une crise à Montréal, c'est particulièrement, c'était pénible en milieu urbain, qu'on regarde la mortalité infantile, qu'on regarde les logements, qu'on regarde. Et elle a été impliquée là-dedans. Elle a travaillé dans les quartiers défavorisés. Elle s'est occupée au moment de la grippe espagnole d'un comité de secours. Pour elle, le féminisme, c'était une chose, un des plus importants, comme appelait ça, une des plus importantes questions de l'heure. Et elle disait, il faut en comprendre la signification. Ceux qui s'en effraient et le combattent, parce qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire. Alors, elle avait, d'ailleurs, elle était souvent qualifiée comme ça de intellectuelle, de logique. Elle partait sur une piste puis elle défendait point par point ses arguments et elle était très centrée sur cette idée-là du rôle de la femme dans la société, et incluant le droit de vote. Mais c'était pas la seule préoccupation qu'elle avait. Donc, le combat féministe, assez clairement, pour Idola Saint-Jean, Marie Lavigne, il s'inscrit dans un combat plus large. Oui, c'est assez clair. D'ailleurs, l'historien Robert Remilly, quand il l'interview en 1934, dit, ben, finalement, elle est autant pacifiste que féministe. Et puis, le combat pacifiste pour elle, c'est majeur. Oui. Et elle se trouve une association où elle intègre finalement l'Alliance pour le droit de vote des femmes. Les activités deviennent très, très étroitement liées et elle est prête à prendre tous les moyens oui. pour le pacifisme. Bel exemple, son ennemi juré de tout le temps, des féministes de tout le temps, Henri Bourassa lui-même, elle l'invite pour une conférence sur la paix. Et en 1938, il y a 800 personnes qui vont écouter cette conférence et on les a côte à côte. Oui. Alors, c'est... et elle dit, ça prend le droit de vote parce que les femmes vont réfléchir autrement, sont des pacifistes nées. Bon, alors, il y a ça. Il y a aussi dans le secteur du travail, tout le travail pour changer les lois de travail, pour faire en sorte que les femmes ait un salaire décent, qu'elle puisse survivre. Ça, donc, elle a été très, très active, autant dans ses éditoriaux, dans ses propos, dans ses conférences sur le front du travail. C'est intéressant parce que vous nous avez deux fois parlé des articles, des éditoriaux, des chroniques qu'elle va tenir. C'est une femme de communication. Elle écrit donc pendant des années. Elle fait de la radio. Elle a son émission de radio. C'est une femme de parole aussi. Il y a des discours. Vous parlez de cette conférence à laquelle elle invite Henri Bourassa, mais dans une campagne électorale, je pense, dans les années 20, elle va faire un grand discours. C'est vraiment une oratrice très, très... Oui. Ben, c'est la fille d'un des meilleurs orateurs et elle est une oratrice née. Son père était orateur libéral et son métier, son premier métier, c'est d'être actrice. Oui. Elle est actrice jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914, et c'est l'art de la parole qu'elle cultive. Et elle est tellement bonne qu'effectivement, quand Mackenzie King fait son grand discours électoral en 25 à Montréal, on invite une Canadienne française à prendre la parole. Il y a 25 000 personnes, selon le journal La Patrie, 15 000 à l'intérieur, 10 000 dehors, et elle est acclamée à... Les jeunes chantent « Vive la Canadienne » quand ils l'accueillent. Donc, elle est un personnage archi connu. Donc, quand la radio commence, en 1922, dès l'année suivante, il commence à y avoir des discours politiques à la radio, et son premier discours politique à la radio est en 1925 aussi, où elle incite les femmes à voter. Alors, rapidement, elle est passée de son travail de diction, de comédienne, à l'art de la parole, à des spectacles et au discours politique. Ouais. Et elle a été la première à être capable de faire le saut à la radio. Ouais. Et elle a tenu une émission jusqu'à son décès. Et ce sera la première à être capable également de faire le saut en politique active comme candidate. En fait, il y aura deux. Elle fait partie des deux femmes, les deux premières femmes qui seront candidates à une élection fédérale à l'élection de 1930. Pourquoi elle décide de se lancer dans l'arène de la politique active en 1930? Ben, parce qu'une fois encore, le droit de vote n'a pas passé au Québec et elle veut avoir un tremplin pour véhiculer à la fois ses idéologies, le pacifisme, ses idéaux de justice, avoir ce tremplin. Mais le Parti libéral ne la sollicite pas, contrairement à l'autre candidate anglophone, la docteure Richie England, qui est candidate, mais qui sera elle aussi défaite. Alors, elle doit se présenter comme libérale indépendante, parce qu'elle croit aux grandes valeurs du libéralisme, mais le Parti libéral n'en veut pas. Donc, en ce sens, elle va vivre le même destin un peu tragique que Thérèse Cazeran vivra en 42, oui. Comme lorsqu'elle est obligée de se présenter comme libérale indépendante. De la même manière. Même manière. Ouais. On termine avec cette fameuse bataille pour le droit de vote. La victoire viendra. C'est finalement le 25 avril 1940 que le gouvernement d'Adélard Godbout permettra aux Québécoises de voter. Quel poids, avec le recul, quel poids, quelle importance a eu Idola Saint-Jean dans cette victoire des femmes du Québec, Marie Lavigne? Incontestablement, ça a toujours été celle qui a dérangé un peu tout le monde, a empêché tout le monde de dormir et ramenait toujours le sujet, mais avec une logique et une cohérence qui était de dire « nous devons le faire avec les hommes » et qui a inscrit tout le discours du suffragisme dans la défense de la démocratie, où elle a toujours répété « une démocratie qui ne fait voter que la moitié de sa population ne peut pas être une démocratie. Et dans ce sens-là, probablement que la première éducation à la démocratie qu'on a pu avoir au Québec s'est faite autour de ces discours à la radio et partout sur le pourquoi de la démocratie dans nos sociétés et comment la justice passe aussi par la voie politique, les conquêtes qui se font. Mais pour cela encore, faut-il avoir voix au chapitre? C'est intéressant parce qu'au fond, il y a peut-être une filiation entre celle qu'on entendait au tout début, Jeannette Bertrand, qui fait partie de ces femmes qui ont fait de la pédagogie par les médias électroniques, et bien avant elle, Idola Saint-Jean. Marie Lavigne, co-auteure avec Michel Stanton-Jean de l'ouvrage « Idola Saint-Jean, l'insoumise », merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.